Pardon ? Vous n'avez pas le droit, vous êtes en train de commettre un abus d'autorité. Attendez, je viens d'être appelé par une cliente qui se trouve dans votre panier à salade, qui m'indique qu'elle est, elle a été arrêtée parce qu'elle avait un sweatshirt de la Manif pour tous. Est-ce qu'on peut parler ? On a le droit de filmer, madame. Je suis avocat. D'accord. C'est un abus d'autorité qui est en train d'être commis. J'ai une cliente qui est là. Oui, oui. C'est 7 ans d'emprisonnement encouru, hein. 432-4. Madame, vous les libérez absolument. Vous commettez un abus d'autorité, vous n'avez pas le droit de les embarquer. Qui est le responsable? C'est vous? Qui est le responsable? Quelle est l'infraction? Alors, monsieur, quelle est l'infraction que vous leur reprochez? Non mais il n'y a pas de problème, non mais on négocie pas là, on n'est pas... Non, vous commettez un abus d'autorité. Non, mais une vérification d'identité? À quel titre? Parce qu'ils portent un t-shirt de la Manif pour tous. Ça s'appelle un abus d'autorité, ça s'appelle un atteinte à la liberté individuelle, c'est l'article 432-4 du code pénal, vous risquez 7 ans d'emprisonnement, d'accord? Oui, on va porter plainte, j'ai une cliente qui vient de m'appeler, qui a été embarquée parce qu'elle avait un t-shirt de la Manif pour tous. C'est quoi cet état de droit? Ce prétendu état de droit? Une rafle, c'est une rafle. Vous n'avez pas à les escorter pour les emmener au métro. C'est une atteinte à la liberté individuelle. Je ne parle pas, je reçois des ordres. Oui, mais alors, non mais alors, vous recevez des ordres, ce sont ceux qui vous donnent les ordres de les reconduire au métro en portant atteinte à leur liberté individuelle. Ce sont ceux-là qui se rendent coupables. Oui, ben non, attendez, excusez-moi, mais là on est en train de mettre fin à une arrestation arbitraire. Vous n'avez pas à leur dire, est-ce qu'ils ont commis une infraction? C'est 7 ans d'emprisonnement pour chacun d'entre vous. Vous n'avez pas à les reconduire au métro. Ils sont libres d'aller où ils veulent. Est-ce que je peux avoir le nom de la personne qui vous a donné l'ordre de les arrêter, qui vous a donné l'ordre de les reconduire au métro en portant atteinte à leur liberté d'aller et venir? Maître, je vous dis qu'ils vont m'empêcher de travailler, je suis en train de m'adresser, donc je vais m'excuser de bien vouloir. On constate une infraction. On constate une infraction, nous sommes des avocats. Interpellez-moi, je vous signale que les forces de l'ordre ont l'obligation de ne pas exécuter un ordre qui est manifestement illégal. Voilà. C'est l'article 122-4 du code pénal. Et l'article 432-4 qui s'applique à vous. Donc nous attendons que nos clients soient libérés immédiatement et qu'ils soient libres d'aller et venir. Et chaque minute supplémentaire qui passe est une minute supplémentaire pendant laquelle est commise l'infraction de l'article 434 du code pénal. Jérôme Triomphe, avocat. Voilà. Très bien, merci maître. Et vous, vous êtes monsieur? TI 520, je vous donne mon indicatif. TI 520, voilà, parfait. Voilà. Ah, il fait meilleur dehors. Donc on récupère notre carte. Merci. Merci. Ah, liberté! Liberté chérie! Vous êtes donc libre d'aller et venir, c'est la liberté fondamentale de n'importe quel citoyen qui a cette première des libertés de ne pas être arrêté arbitrairement par la police de la République française. Vous êtes libre d'aller et venir et de rentrer au palais de justice si vous le souhaitez, d'aller à la Sainte-Chapelle si vous le souhaitez et aller où vous voulez si vous le souhaitez. Merci. Blues partout, blues tout le temps, nécropole, blues, monde moderne, blues. Pantin, virage, ravin, dérapage, blues. Passage à l'âge adulte, prends-toi un peu en main. Démolition des fantasmes, première grosse claque, blessure nouvelle, blues. Blues partout, blues tout le temps, réveil, blues. Jour sans fin, blues. Levé en retard au bout de 5 sonneries, paupières collées au ciment, blues. Douche trop longue, café brûlant, avalé trop vite, bouche en papier de verre, estomac vide. Mois de janvier, froid sibérien, singe en hiver, blues. Blues partout, blues tout le temps, labyrinthe, blues. Piège à rat, blues. Veuillez patienter pour régulation du trafic, blues. Pub de merde, débilisante, agressive et putassière, pardon de vous importuner. Volare et cantare, voyageur sous les roues, blues. Blues partout, blues tout le temps, clodo blues tous les 7 mètres, qu'est-ce que je peux faire? Semi-violence, lâcheté, impuissance, blues. Sans papier qui claque leur nom, POPMU, prostituée, toxico, égarée, rhum cabossé, pétition, blues, barbarie, blues. Blues partout, blues tout le temps, soirée chez un pote, de pote, se regarder en chien de faïence, concurrence, blues. Phrase à laconique, statut Facebook, télégraphique, très cool, peur de faire tâche, tenir longtemps avec les filles, performance, blues, bière moderne, blues. Blues partout, blues tout le temps, séduction, blues, mal à l'aise, pas serein, je sais pas quoi faire, protocole à la con, blues. Physique ingrat, peau capricieuse, mais besoin de bras quand même. Tu prendras la dernière personne qui reste en fin de soirée, infirmière, blues. Blues partout, blues tout le temps, alcool, blues, alcool, mauvais, blues. Mais si je gère plus rien, glissement de terrain, blues. Poche trouée, carte bloquée, dépassement d'autorisation de découvert, demande à tes parents, crédit, loyer d'enculé, mange de la merde, blues. Blues partout, blues tout le temps, solitude, blues, bar, taxi, bus de nuit, rentre à pied seul, blues, cassos, blues. Galerie est un carrefour désert, rue dégueulasse, boulevard vide et silencieux, ambiance post-apocalyptique, béton, blues. Blues partout, blues tout le temps, épuisement, blues, somnifère, blues. Tout le monde anesthésié, lessivé, tout le monde tabassé, blues. Résignation, bombardement, cri silencieux, appel à l'aide, tu foires, mental en papier, cœur en cristal, blues. Blues partout, blues tout le temps, cache ton blues. Ordonnance, blues, hôpital, couloir, blues, blanche, néon, blafard, blues. Post-adolescent à genoux, gens fragiles ou abîmés qu'on voudrait pouvoir aider. Puis ceux qui gagnent, qui se reprogramment, rémission en blues. Blues partout, blues tout le temps, échange de regards, blues. Je crois que cette fois-ci c'est la bonne renaissance, blues. On me dit qu'elle veut pas de moi, mais je m'en cogne. Être un homme, faire le kiff, rien laisser paraître. Allez vous faire foutre, elle est différente, elle comprendra. Cœur en platine, blues. Blues partout, blues tout le temps, frère d'armes, sœur d'armes, cohésion, blues. Au bout de l'âge, t'es pas souvent sur les chemins de forêt, sur le parvis des églises, sur le pont des bateaux et même la tête sous l'eau, dans les joies, dans les peines, toujours en cercle serré, toujours debout. Espoir, blues. Micro ouvert. Donc un micro ouvert, on s'est trouvé une petite planque comme ça au Flaget, à côté du Belga, là, il y a le Cinoche Flaget, c'est comme ça, hein, le Flaget Open, qui est ouvert ce vendredi. Il y a une dame très sympathique qui nous a laissé une petite table avec des chaises pour pouvoir prendre du son, là. Et autour de la table, il y a deux personnes, il y a deux garçons, deux gars là, à qui il est arrivé une sale histoire à la début, la Saint-Sylvestre, hein, c'est comme ça qu'on dit, le 1er janvier, enfin le 31, dans la nuit du 31 au 1er, à une histoire de, je vous dis moi ce que j'ai retenu, donc à 2-3 heures du mat, quoi, donc comment j'ai été au courant de ça, c'est via les réseaux sociaux. Parce que toi, Benjamin, et toi, comment tu t'appelles ? Yacine. Yacine. Toi, Benjamin, tu décides de diffuser via ton Facebook et via les réseaux sociaux ce qui t'est arrivé, mais ce qui vous est arrivé aussi. Mais c'est surtout à toi, alors, hein ? C'est ça, tout à fait. Donc, suite à l'agression dont j'ai été victime et dont je reviendrai plus tard sur les détails, j'ai posté un post sur Internet qui raconte mon histoire et qui a été repris par la presse, notamment par vous. Mais Benjamin, tu veux dire quelque chose sur toi ou pas forcément Bon, je vais me présenter, je m'appelle Benjamin, je suis bruxellois de 28 ans, j'habite à Saint-Gilles, je suis sans profession et je suis animateur en fait d'une ASBL qui s'appelle Clap Culture et j'organise régulièrement des événements avec des jeunes du conservatoire entre autres. Ça, c'est un peu pour situer mon parcours professionnel à l'heure actuelle. Et le soir du Nouvel An, donc, vu que c'est le sujet qui nous intéresse, je faisais la fête. Je reviens sur les faits maintenant déjà, peut-être. Oui, alors ce qui se passe, c'est quelque chose d'énorme, c'est qu'il t'est arrivé quelque chose de grave, il faut le dire, quoi. C'est grave ce qui se passe, non ? Voilà, et j'aimerais bien que tu expliques alors qu'est-ce qui s'est passé. Oui, tout à fait, c'est très grave. Et petite parenthèse, c'est tout à fait courant apparemment dans la ville de Bruxelles. Les zones de police sont connues pour des faits à maintes reprises de violences policières, que ce soit les quatre en question, peut-être même d'autres, on ne sait pas qui c'est. Je vais donc maintenant revenir sur les faits. Donc il était 3h du matin, 3h20. Je sortais d'une fête où on avait décidé d'aller faire péter des pétards, comme plein de gens l'ont fait cette nuit-là. Donc, on a fait péter des pétards environ 10 minutes. Ensuite... Et où ça exactement alors ? Tout à fait, bonne question. C'était avenue Stalingrad au croisement de la rue de la Fontaine. Une avenue bien connue du centre-ville, avec une allée au milieu, pour ceux qui voient. Donc c'était là. Donc c'était, on était à l'abri des véhicules, entre guillemets, donc on était en sécurité pour faire péter des pétards. On avait vérifié l'endroit. Quand tu dis à l'abri des véhicules, ça veut dire que vous n'étiez pas près de voitures et de choses comme ça ? C'est ça, on était à 2-3 mètres des voitures pour ne pas endommager les véhicules en question. Donc on avait pris des précautions. Oui, et avant de rentrer dans le vif du sujet, on ne peut pas inventer, hein, Benjamin. Il faut être très lucide, et si on ne sait pas, vaut mieux dire « je ne sais pas » plutôt qu'inventer. Mais j'avais aussi envie de dire un autre truc. Vous étiez combien, parce que... On était trois. Donc il y avait moi, Benjamin, il y avait Yessine ici présent, et il y avait un ami à Yessine et à moi, Julien Burry. Voilà, donc on était trois. On faisait péter des pétards, comme je l'ai dit. Puis 10 minutes après, une voiture de police blanche est arrivée. Donc là, j'invente rien, ce sont les faits. Ah mais non, tu peux pas. Hein. Je peux pas, attention. Hein. Même s'ils ont fait quelque chose qui était inadmissible, il faut rester correct et cohérent, quoi, voilà. Non, mais pour l'instant, il a raison. La voiture de police est venue 10 minutes après. On s'amusait avec les pétards, ouais, peut-être pendant 10 minutes. Il y avait plusieurs voitures de police qui tournaient autour. Bon, elles ne les ont pas repérées, mais bon, on va dire que peut-être la 6e voiture nous a repérées, elle s'est arrêtée, et puis il y a deux hommes qui ont débarqué. La 6e voiture ? 6e, enfin plus ou moins. Si vous voulez, en fait, il y avait des voitures, il y a énormément de voitures de police qui tournaient dans ce quartier, parce que c'est un quartier, on peut dire, malfamé, hein, enfin, voilà, entre guillemets. Et donc, il y avait plusieurs voitures de police qui tournaient autour, mais apparemment, voilà, ils n'ont pas arrêté. Et puis, voilà, il y a une des voitures, par Mireille, qui s'est arrêtée. Et puis là, il y a deux hommes qui sont descendus et qui nous ont demandé d'arrêter, de jouer avec les pétards. Voilà, et puis... Et puis donc je voulais, petite insert, quand on est arrivé à la fête, moi quand je suis arrivé à la fête, je suis arrivé avant Yessine et Julien, et là j'ai vu dans cette même rue, avenue Stalingrad, des dizaines de gens qui faisaient péter des pétards, avec des voitures de police qui passaient aussi avant. Donc là c'était plus ou moins déjà 2-3 heures avant les faits de l'agression, donc c'était, on a entendu dans tout Bruxelles des pétards partout, comme chaque nouvel an c'est connu. Donc voilà, pour revenir aux faits, la voiture en question est arrivée à 3h30 environ, donc 10 minutes après qu'on avait commencé. Deux hommes sont sortis, Yessine tenait un pétard éteint dans les mains, Julien, son ami, avait son sac, qui est le mien en fait, ça j'y reviendrai plus tard, avec des pétards à l'intérieur, éteint aussi. Ils nous ont demandé d'arrêter. Moi, j'étais à distance. Je m'étais mis un peu à distance. Ils ont demandé d'arrêter et ils ont saisi le sac. Je me suis approché parce qu'en fait, c'était moi qui avais acheté les pétards en question. J'ai demandé à un des policiers, le plus âgé, est-ce que je peux récupérer les pétards, le sac ? Il a refusé. Je lui ai redemandé de me le rendre parce que c'était le mien, ça m'avait coûté une trentaine d'euros. J'ai dit que on n'allait plus en faire péter, qu'on allait même rentrer à l'intérieur de notre fête originelle. Mais donc si je comprends bien, la police vous dit stoppez vos pétards et donnez-nous le sac avec tous les pétards dedans. Oui c'est ça, mais on demandait de nous croire sur parole parce qu'on était de bonne foi. Ils pouvaient même nous raccompagner jusqu'à la maison en nous rendant le sac et nous dire d'arrêter de péter les pétards. Oui, d'accord, mais tout de suite, ils vous sanctionnent tout de suite, quoi, quelque part. Ils vous laissent aucune chance de rien du tout. Ils ont directement pris le sac. Ils ont demandé à Julien de voir ce qu'il y avait dans le sac, parce qu'il tenait un sac orange contenant tous les le reste des pétards. Et puis, donc, Julien lui donne donc le sac au policier. Donc là, pour l'instant, tout va bien, sans encombre. Et là, le policier voit qu'il y avait pas mal de pétards dans le sac. Donc voilà, il a pris. Puis là, Benjamin donc, lui demande est-ce qu'on pourrait récupérer donc, le sac. Et là, le policier lui dit ah non, ça s'est saisi par la police suite au décret du bourgmestre de Bruxelles. Et c'est à ce moment-là où Benjamin il souhaitait avoir plus d'informations sur ce fameux décret, parce qu'on n'a jamais entendu parler. Enfin, je veux dire, on était trois, on n'a pas entendu parler de ce décret. Donc on trouvait ça un peu louche. On se demandait peut-être que c'est de l'abus de pouvoir. Enfin. On ne sait pas, quoi. Donc Benjamin a essayé d'avoir en fait plus d'informations sur cette sanction. Et maintenant, parce qu'on fait une petite parenthèse, vous êtes au courant de ce décret ? Est-ce que vous êtes renseigné ou pas du tout ? Ça reste toujours mystérieux, ce décret, il existe, il n'existe pas ? On ne s'est pas renseigné ? On ne s'est pas renseigné. Je pense que, c'est illégal dans certaines communes. Enfin, ça dépend des communes, il me semble. Enfin, à vérifier. Hein, mais il me semble que pour la commune de Bruxelles, c'est illégal de faire péter des pétards. Peut-être qu'à Etterbeek qu'on peut. Enfin, j'avoue que j'ai quand même pas du mal à trouver l'information sur Internet. Donc, c'est pas quelque chose qu'on. Enfin, je veux dire que c'est difficile d'avoir trouvé l'information, quoi. Donc, Oui, mais bon, comme tu es allé voir la police, tu aurais pu tout de suite demander, tiens, ce décret à XL, est-ce qu'il est valable, est-ce qu'il n'est pas valable ? Soit, on continue. Oui, tout à fait. Donc, peut-être qu'il est illégal, peut-être qu'il ne l'est pas, ça, je ne sais pas. En tout cas, c'était pas un décret, en fait, c'était un arrêté communal. Oui, mais en tout cas, cette information, vous ne l'avez toujours pas. Vous ne savez pas si elle est vraie ou si elle n'est pas vraie. Et aujourd'hui, ça ne vous a pas intéressé de savoir si elle était vraie ou pas vraie. Petite info là-dessus, j'ai eu accès lors de ma plainte, donc je ne peux pas trop en dire parce qu'il y a le secret de police, de l'enquête, mais ils n'ont pas mentionné dans leur PV, parce que suite à mon article, ils ont envoyé un communiqué, c'est 4 ans. Attends, suite à ton article lequel ? Sur Facebook ? Sur mon article sur Facebook qui a été repris par la presse, notamment La Capitale et BX1. Donc suite à mon article publié sur Facebook, ces 4 policiers en question, c'est comme ça aussi qu'on les a retrouvés, ont envoyé un communiqué en interne à la police. Mmh. Ils n'ont mentionné à aucun moment l'existence de cet arrêté communal. D'accord. Voilà. Voilà, on continue alors. Donc, il vous dit, il y a un arrêté qui fait que vous ne pouvez pas avoir des pétards et on ne peut pas faire péter des pétards. Et donc, on vous supprime votre sac à dos. C'est ça. C'est pas un sac à dos, c'est un sac en plastique qu'on avait en main. Ouais. Ils le saisissent. Comme tu dis. Après, je l'ai redemandé, ils ont toujours refusé. Et là, tout d'un coup, ils ont vu que j'insistais. L'un d'eux, le plus âgé, m'a saisi au cou. Il m'a poussé sur plusieurs mètres en arrière. Du tac au tac, sans que tu fasses quoi que ce soit, vraiment. Ouais, c'est-à-dire que... Et comment tu as insisté, en fait ? Il parlait, il faut lui poser la question. Oui, je voulais savoir sur quoi vous vous basez. Enfin, je veux avoir plus d'informations sur ce décret. Et là, le policier a commencé à chauffer. Il a dit, à un moment donné, il commence à le pointer du doigt. Enfin, il mettait son doigt à 3 cm de son visage en disant, tu arrêtes maintenant. Enfin, quelque chose comme ça. Et puis là, Benjamin. Et quand tu dis quelque chose comme ça, il faut être très précis. Hein. On peut pas. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. En gros, c'est ce qu'il disait. Tu arrêtes. Enfin, voilà, c'est le décret, c'est comme ça. Et puis, tu commences à m'énerver. Voilà, il a commencé à s'énerver. Donc du coup, Benjamin, vu que son doigt était, était à 3 cm de son visage, donc Benjamin essaie de repousser un peu sa main, vu qu'il était vraiment très proche. Et puis le policier commence à hurler, tu me touches pas. Et puis Benjamin dit, ok, je vous touche pas. Bah, il ne l'avait pas encore touché. Il lui touchait la main, il juste touchait la main, donc c'est pas. Benjamin, tu touchais le doigt du policier qui était menaçant envers toi, quoi, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc et puis là le policier dit, hurle, tu me touches pas. Bon voilà, donc Benjamin dit, ok, je vous touche pas, donc il lève les mains. Et puis là peut-être 5 secondes plus tard, le policier l'attrape par le cou, l'étrangle et le pousse vers l'arrière. Et puis là, j'ai pas compris pourquoi son collègue, donc son coéquipier, a commencé à donner des kicks au niveau du thorax. C'est quoi, c'est des kicks ? Des coups de pied, des coups de pied en hauteur, au niveau du thorax. Faut être sportif pour faire ça, non ? Ouais, il avait l'air d'être chaud, donc le mec, il s'est dit, ok, je vais donner des coups, je sais pas pourquoi, mais bon, voilà, il s'est dit, je vais donner des coups. Alors que Benjamin, il était immobile, il était surpris par l'événement, donc le policier l'étranglait, le pose vers l'arrière, et là, le gars, il dit, ouais, je vais donner des coups de pied, j'ai pas trop compris pourquoi, mais bon. Toi, c'est comment ton nom encore ? Yassine, qu'est-ce que tu fais, toi ? Moi, je regarde la scène, je suis abasourdi, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qui se passe ? Parce que, personnellement, j'ai jamais vécu une histoire comme ça. J'ai vu ça à la télé, etc. Mais en live, j'ai jamais vu. Pour moi, les policiers, ils ont toujours été corrects. Enfin, toutes les fois où moi, Benjamin, ou n'importe qui a été interpellé par les policiers, ils ont toujours été très corrects. Enfin, parfois, certains s'étaient énervés pour X raisons, mais ils ont jamais levé la main, ils ont jamais été violents. Et là, d'un coup, je vois ça, la violence gratuite, ça m'a surpris. Donc, du coup, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu'ils font, quoi ? Ouais, t'as eu peur, quoi. Disons les mots aussi. T'as eu peur de réagir, de dire, les gars, ça va pas. Enfin, tu restais en retrait, quoi. Ouais, voilà. Donc, j'ai eu peur. J'ai eu peur qu'ils s'en prennent à moi aussi, qu'ils me tabassent. J'ai eu peur pour Benjamin. Enfin, voilà. Je veux dire, voilà, les policiers sont censés nous défendre, pas nous tabasser, quoi. Et toi, Benjamin, qu'est-ce qui se passe alors là, quand, à partir du moment où tu reçois les premiers coups, là, enfin même déjà, quand on t'attrape au niveau du cou, alors ? J'ai eu peur aussi, évidemment. J'étais très surpris, parce que je ne m'y attendais pas du tout. Le policier a levé son doigt, je l'ai un peu repoussé, et après j'ai tout de suite, donc le mec, comme ici, donc ce policier, m'a menacé en me disant tu me touches pas, et moi j'ai levé les mains, j'ai dit ne me touche pas, rien ne se passe, j'étais à un mètre, donc on était vraiment, j'étais pas tout près non plus, c'est même lui qui était plus, qui avait tendance à se rapprocher. Ouais. Et d'un coup, peut-être suite à mon insistance de récupérer les pétards ou peut-être autre chose, je sais pas, il m'a pris au cou, m'a poussé sur plusieurs mètres. L'autre, comme a dit Yessine, m'a frappé sans raison, comme ça. T'as frappé, t'as donné une gifle ? Des coups de pied. Soyons essayés d'être précis, parce que sinon... Oui, il m'a frappé au vent, des coups de pied, pendant plusieurs mètres. Et là, moi, donc, vu que j'ai eu écho dans la presse de violences policières, je sais un peu, j'ai lu des articles là-dessus, je sais que la zone de police, parfois, est sujette à ce genre d'action, de violence. Je leur ai demandé leur numéro de matricule quand ils m'ont lâché, parce qu'ils m'ont lâché après 2-3 mètres. Ouais, un coup de spray aussi. Hein. Un coup de spray, c'est-à-dire quand ils l'ont lâché, le coéquipier qui a donné des coups de pied s'est dit je lui ai donné un coup de spray dans le visage, histoire de bien terminer le truc. Et, dans le visage, ouais, un coup de spray, spray au poids, enfin, je ne sais pas ce que c'était, une bouteille blanche. Et voilà, sur le visage de Benjamin, après, juste après qu'il ait lâché le policier. Ouais. Mais jusque-là, déjà, c'est hallucinant hein, de recevoir comme ça autant de violence pour simplement avoir insisté, bah, tiens, rendez-moi nos pétards, quoi. Au fond, on va arrêter tout de suite et puis on rentre chez nous. Enfin, voilà. Ouais, tout à fait. Au pire, ils m'auraient donné un PV, comme quoi l'arrêté communal interdit, on vous saisit les pétards. Ce que je peux comprendre qu'ils auraient pu faire. Oui, mais tu le savais pas, et vous avez tout de suite arrêté, donc tu vois, il n'y a pas de souci, vous n'avez absolument pas dérangé. C'est pas comme si vous avez enfreint la loi, alors qu'il te l'a dit et que tu t'en fous. Voilà, et en plus, c'était pas la première voiture qui passait, comme Yessine l'a dit, donc c'est vraiment... On a senti vraiment déjà une tension tout de suite dès qu'ils sont arrivés. Hein. Donc déjà, on sentait que les gars étaient moyennement pour le dialogue, voilà. Donc je leur ai demandé, donc après qu'ils m'aient attrapé, je sais pas si j'ai dit que j'ai leur demandé leur numéro de matricule. Oui, là, on en était là. On en était là. Et là, le mec, comme ici, a dit, il m'a envoyé sa bonbonne lacrymo, ce serait une lacrymo apparemment, au visage, dans l'œil, surtout l'œil gauche. D'ailleurs, j'ai des photos, hein, donc tout ça est pris en photo après. Ils m'ont aspergé. Moi, j'étais là, j'avais mal aux yeux, ça plus que picotait, ça faisait vraiment mal, ça brûle. Même si j'avais des lentilles qui ont un peu empêché de se propager parce que ça atterrit sur la lentille, ça faisait quand même mal. Donc, je suis resté un peu dans les vapes quelques secondes, mais je voyais encore. Et quand ma vue s'est à peu près rétablie, j'ai vu que les gars étaient quasiment rentrés dans leur voiture. Donc, les policiers là ? Les deux policiers en question. Il s'en allait, ouais. Après lui donner un coup de spray, il s'en allait. Puis Benjamin insistait en disant je voudrais avoir le numéro de matricule. Il est menacé de porter plainte au comité P, qu'il n'allait pas laisser l'affaire couler. Et puis là, il s'est ramassé un deuxième coup de spray. Là, on va dire que tu l'as bien mérité, Benjamin. Ouais, là, non, c'est pas vrai, hein, pas du tout, c'est pas vrai. Non, t'as très bien fait de demander. Ouais. C'est bien, t'as pas eu peur quelque part, malgré que t'avais affaire à des pétés, quoi. J'ai pas vraiment eu peur. Enfin, j'ai eu une espèce de courage, si je peux appeler ça comme ça, j'ai pas bon, je connais mes droits, je sais que j'ai des droits, donc je sais que ça peut aller en justice et que c'est ce qu'ils font était illégal, donc je tenais à leur rappeler, pas pour les menacer ni rien, mais que voilà, ça n'allait pas, ouais. N'allait pas rester là tout de suite, quoi. Et ça les a énervés, ça les a énervés. Ouais, c'est ça, les pétards n'ont rien à voir là-dedans. Je veux dire, ils ont saisi les pétards, sans encombre, comme je l'ai dit. Et puis Benjamin a demandé une seule fois de pouvoir le récupérer. Le policier a dit non, ils sont saisis par la police. Voilà, terminé. Mais je veux dire, toute cette affaire, ça n'a rien à voir avec les pétards. C'est juste parce que Benjamin les a agacés, pour avoir plus d'informations sur le décret. Et puis plus tard, les a encore plus agacés en disant que je vais pas laisser l'affaire comme ça. Je vais porter plainte. Je vais aller chez le comité P. C'est ça en fait qui les a énervé, ça n'a rien à voir avec les pétards. Voilà. D'ailleurs, après ça, hier j'ai été porté plainte au comité interne, qui m'a très bien reçu d'ailleurs, et il m'a dit que oui, en effet, quand on parle de numéro de matricule, quand on parle de comité P, il voit qu'on connaît un peu les dessous, parce que le comité P n'est pas tellement connu en fait dans la masse de population. Et ça les énerve. Donc quand on parle de ces trucs-là, ils n'aiment pas, ils ont tendance à en remettre une couche. C'est ce que le policier qui a reçu ma plainte hier m'a dit. Voilà. Donc pour en revenir où on en était, ils étaient près de leur voiture quand j'ai eu mes yeux qui se sont à peu près remis. Et là, je leur ai dit, j'ai porté plainte au comité P, il y aura des poursuites. Et à ce moment-là, ils ont commencé à me courir dessus, donc à toute vitesse, en déployant leur matraque. Donc ça, il y a des témoignages de témoins, il y a plusieurs témoins qui peuvent témoigner. Avec une volonté d'en découdre encore plus qu'avant. Donc là, c'était vraiment volonté de me frapper. Ils ont pété un câble, comme Cindy. Donc j'ai pris peur. Je me suis dit, premier réflexe que j'ai eu, je vais rentrer dans la fête où j'étais. Je laisse tout, je vais rentrer. Je vais me mettre à l'abri, ouais, ouais. J'espère qu'ils ne vont pas m'attraper avant, que je vais réussir à rentrer. Pas de chance pour moi. Ils m'ont rattrapé avant. Il y en a un qui m'a attrapé par la capuche, m'a mis au sol. Et là, donc, je voyais plus très bien qu'est-ce qu'ils faisaient quoi dans les deux policiers. En tout cas, ils m'ont frappé avec leur matraque. D'ailleurs, au genou notamment, ou au thorax. Pas à la tête, évidemment, parce qu'ils savent que la tête, il y a des séquelles plus graves. Donc, ils savent un peu où taper. Donc, on voit qu'ils connaissent un peu. Hein. Dans les jambes, d'ailleurs, petite parenthèse, bon, genou, je vais avoir une IRM. Donc, c'est pas seulement un simple bleu. Hein, donc, c'est une radio va être faite. Voilà, donc, j'ai des séquelles psychologiques, physiques et matérielles aussi. Ils m'ont mis au sol, m'ont frappé pendant plusieurs minutes, en me disant « Ah tiens, tu veux porter plainte au comité P ? Tiens, tu porteras pas plainte, on te met les coups pour que tu portes pas plainte, quoi. » En gros, c'est ça. Et toi, Yacine, à ce moment-là, tu vois la scène de loin ? Ouais, en fait, au début, j'avais pensé à sortir mon smartphone pour filmer la scène, mais après, vu que je voyais qu'ils s'éloignaient, enfin les deux, enfin Benjamin... Enfin, se dirigeait petit à petit vers rue de la Fontaine, donc là où se déroulait la scène, et les policiers se dirigeaient petit à petit donc, vers leur voiture. Mais Benjamin continuait à dire je vais porter plainte au comité P, je ne vais pas vous laisser vous en sortir. Puis là, le policier, donc le plus vieux, il a dit quelque chose. Toi, tu commences sérieusement à m'énerver, tout en courant à toute allure vers Benjamin. Bon, son coéquipier le suivait. Et puis là, ils ont attrapé Benjamin, ils l'ont martelé de coups. Alors, je ne sais pas si le plus vieux détenait une matraque, mais je sais que son coéquipier a sorti sa matraque télescopique et là, ils ont tabassé Benjamin, quoi. Moi, quand j'ai vu ça, je dis « Ok, bon, là, je sors mon smartphone. » Donc là, je m'apprêtais à filmer cette scène ahurissante où, voilà, où deux policiers tabassaient mon pote. Et puis là, quelque chose à préciser, en fait, ils étaient quatre. Donc, en fait, il y avait deux hommes et deux femmes. Les deux femmes sont restées dans la voiture, mais quand ils ont vu que les deux policiers... Attends, ouais. Donc, il y avait deux femmes dès le départ dans cette histoire, mais elles restaient dans la voiture. Elles sont restées dans la voiture, ouais, exactement. Et donc, du coup, quand les deux hommes étaient en train de tabasser Benjamin, les deux femmes, elles sont sorties de leur voiture, voilà, histoire de voir que... Enfin, pour pas que ça se dégénère, que j'intervienne ou quoi que ce soit. Donc, du coup, moi, je sors mon smartphone pour filmer la scène. Et puis là, donc, une des policières a commencé à courir derrière moi. Et puis là, du coup, moi, je cours aussi. Hein, j'ai pas envie de me faire attraper. Et puis, elle me dit, c'est illégal de filmer, alors que c'est complètement faux. Je veux dire, on peut filmer, on a le droit. C'est voilà. Donc, du coup, elle dit que c'est illégal de filmer. Donc, t'arrêtes ça tout de suite. Et puis, elle m'a accusé d'abîmer les voitures, alors que, enfin, pas du tout. On n'a abîmé aucune voiture. Enfin, voilà. Donc, du coup, après, elle s'en va. Bah, j'entends Benjamin hurler de douleur. Donc, du coup, moi, je me dirige vers rue de la Fontaine, voilà, pour voir ce qui se passe. Et donc, du coup, elle se met à recourir vers moi. Donc, elle se tourne, elle court vraiment pour me chasser. Et puis là, du coup, elle me dit, ouais, va-t'en. Je dis, ouais, mais bon, je peux pas abandonner mon pote. Il est en train de, voilà. Elle me dit, non, tu t'en vas et tout. Et puis, enfin, je sais pas, ça a peut-être duré 5 minutes. Et puis, voilà, et puis ils sont tous les quatre partis. J'imagine, Yacine, quand on est comme ça, le copain d'un pote qui se fait casser la gueule, ça doit pas être agréable. Ouais. Et t'as envie de faire quelque chose et t'as les gens comme ça qui te disent dégager alors qu'il y a quelque chose. Enfin, ça doit pas être facile ta position, hein. Ouais, exactement. Ouais, enfin. J'ai pas été habitué à ce genre de situation. Genre, si ça recommence, j'aurais peut-être de meilleurs réflexes. Enfin, sortir mon smartphone et filmer quoi qu'il arrive, j'en sais rien. Mais là, c'est vrai qu'on se sent impuissant. On sait pas comment réagir. Enfin, voilà quoi. Je veux dire, son cerveau qui bug, on sait pas trop. Enfin, voilà, j'ai quand même eu le réflexe de sortir mon smartphone, mais elle m'a quand même dissuadé. Enfin, après, sur le coup, je regrette d'avoir été plus persistant. On se dit qu'on aurait pu faire plein de choses, mais qu'on n'a rien fait. Mais c'est vrai, quand c'est les forces de l'ordre qui frappent, enfin, on se demande où est la justice, quoi. Ouais, et puis il y a la trouille aussi de quoi, comment, qu'est-ce qui se passe si la loi pète un câble, hein, parce qu'ils sont censés vous protéger, ces gens, ils sont occupés à péter un câble, vous vous dites, oh, ils sont capables de tout, et donc ça fait peur aussi, quoi, évidemment. Hein. Ouais, exactement, voilà. Ouais, tout à fait. D'ailleurs, moi j'ai porté plainte contre les quatre personnes, hein, pas seulement les deux hommes, les deux femmes aussi, pour déjà avoir dit que, d'avoir empêché Yacine de filmer, on a le droit de filmer dans la rue, donc soi-disant c'est interdit, alors ça l'est pas du tout. filmer les arrestations, ils ont dit que c'était illégal, alors que c'est parfaitement légal. Dans l'espace public, tu peux filmer, oui, c'est vrai. Sachant que c'est pas une arrestation, c'est un tabassage, mais bon. Ouais. Voilà, donc le droit de filmer est totalement libre et l'interdire est illégal. C'est pas filmer qui est illégal, c'est l'interdire qui est illégal. Donc ça, c'est une pièce au dossier qu'on peut inculper cette policière en question, c'est une des deux. Et le fait aussi, il y a eu quelqu'un, un inconnu, qu'on n'a pas retrouvé encore à l'heure actuelle, qui aurait filmé. Moi, je ne l'ai pas vu personnellement. Mais comment tu sais ça, en fait ? À travers les témoignages donc, de Yessine notamment et de Julien, qui ont vu quelqu'un filmer une partie de la scène, je ne sais pas laquelle. Et ce témoin-là a des images qui courent dans la nature. Il ne les a pas encore mis apparemment sur les réseaux sociaux, donc on les recherche vivement et ça pourrait être une pièce à conviction de poids. Donc à ce jour, nous sommes le 13 janvier, à ce jour, il n'y a encore aucune nouvelle de ce témoignage, quoi. Aucune nouvelle, donc on fait un appel, là, si cette personne entend l'émission, peut nous envoyer par Facebook à Benjamin Hannes les images, ou à toute autre personne, voilà. J'en étais où ? J'en étais, donc j'étais au sol. Donc ils m'ont tabassé pendant plusieurs minutes, ils sont partis, là ils sont partis définitivement. Ils sont partis dans leur voiture, voilà. Moi, j'étais toujours agonisant de douleur, et la seule chose que j'ai dû faire pour les arrêter, c'est de dire que j'allais pas porter plainte. Donc, parce qu'ils me disaient, ah, tu vas porter plainte, donc pour qu'ils arrêtent, j'ai dû dire que j'allais pas porter plainte, parce que sinon, voilà, ils allaient continuer, peut-être, j'en savais rien. Peut-être aggraver la situation, moi je voulais m'en sortir vivant quand même, je savais pas où, parce que je sais pas, parce que voilà, il y a déjà eu pire que moi, voilà. Ouais. Et donc, ils sont partis. Je me suis relevé difficilement, j'ai eu besoin d'aide, hein, notamment de mes deux amis, là. Et un témoin est arrivé. Pendant que moi, j'étais toujours trépignant de douleur sur une voiture, sur le capot d'une voiture, j'étais là, je savais plus quoi faire. Juste petite précision, ils l'ont laissé au milieu de la rue. Hein, donc, c'est même pas sur le trottoir ou sur le bas-côté, vraiment au milieu de la rue de La Fontaine. Il était par terre, il ne pouvait plus bouger. Il était, voilà, moi et Julien, on l'a aidé à ce qu'il reprenne ses esprits parce qu'il était un peu sonné. Et voilà, il ne pouvait plus se relever tout seul. On l'a soulevé pour qu'il puisse se relever. Et donc, on l'a mis sur le bas-côté, donc sur le trottoir, en sécurité, quoi. Voilà. Et voilà. Et là, un témoin est arrivé. Ismaël, il s'appelle. Il a vu la fin de la scène. Il n'a pas filmé non plus. Donc, malheureusement, on n'a pas d'image, toujours pas, ni de lui. Mais il a vu et il a témoigné par écrit. Donc, ce qui fait qu'on a trois témoignages par écrit. Celui d'Yessine, celui de Julien et d'Ismaël, qui est précieux parce que c'est quelqu'un de l'extérieur qui a vu la fin de la scène, donc la vue où j'étais au sol. Donc, ça, c'est une bonne pièce aussi. Et voilà, ça s'est fini comme ça. Après, je suis rentré dans la fête. J'ai prévenu Laure qu'on va contacter tout à l'heure. Et c'est qui Laure qu'on va contacter maintenant, puisqu'on en parle ? Ah ben voilà, on peut la contacter. C'est qui Laure, alors ? Laure, c'est une amie, parce que une militante de plusieurs mouvements, que je n'ai pas cité ici. Mais c'est surtout oui dans ton histoire, hein. Qu'est-ce qu'elle a à voir, Laure, dans ton histoire ? Dans mon histoire, c'est une amie qui m'avait conduit à la fête en question, et je l'ai vue, j'étais la retrouver à la fête, et là, c'est là que son aide m'a été précieuse. Elle m'a envoyé à l'hôpital, enfin elle m'a conduit à l'hôpital avec Julien et Yessine, et donc elle l'a vue, mais c'est qu'elle, quoi. Et donc son rôle est important aussi à ce niveau-là. Elle m'a aidé à reprendre mes esprits encore mieux, puis après on a été aux urgences, mais l'heure d'attente était trop longue, et donc... On n'y a pas été, mais elle m'a rassuré. Ouais, on n'y a pas été. J'ai dû attendre le lendemain pour faire le constat, mais le constat est fait. J'en ai même deux constats. Voilà. Donc Laure m'a aidé après. Donc on prend le témoignage de Laure. C'était ça l'idée alors ? Ou bien on continue l'histoire et puis on contacte Laure après ? On peut l'appeler ? Oui, voilà. On peut l'appeler. Oui. Il est là, là. Coucou. Voilà. Salut Laure, c'est Benjamin, on est dans l'émission. Donc j'ai un peu expliqué le contexte post-agression que tu as vu. Donc voilà Laure, c'est Graziella, hein, de Micro Ouvert. Tu m'entends ? Oui, très bien. Et en fait, l'idée alors, puisque tu ne pouvais pas venir témoigner, c'est si tu avais des choses à dire par rapport à cette histoire. Si j'ai bien compris, toi, tu as vu Benjamin après les faits, quoi, une fois qu'il s'est fait casser la gueule, en fait. Oui, nous sommes arrivés, on a réveillonné chez moi, et on est arrivé à la fête, avenue de Stalingrad, vers 1h du matin, un petit peu avant, je crois, ou 1h du matin. Et avenue Stalingrad, c'était la joyeuse ambiance. Il y avait plein de mecs dans la rue qui lançaient des pétards, c'était convivial, tout le monde parlait ensemble, etc. Donc nous sommes allés chez nos amis. Et puis Benjamin, pendant la soirée, donc apparemment il devait être, j'ai pas bien regardé ma montre au moment où il est sorti, puis il devait être 3h du matin. Elle m'a dit, je vais prendre un peu l'air dehors et tu m'ouvriras, tu gardes ton téléphone ouvert parce que si je n'arrive pas à rentrer, pour que je puisse rentrer à nouveau. Et puis quelques moments plus tard, je trouvais qu'il était un peu long, quoi, pour et qui alors je lui téléphone et donc je n'ai pas vu la scène. Et Benjamin me dit ouvre-moi la porte. Il faut que je te raconte, il m'est arrivé un problème. Et alors j'ai découvert un Benjamin tout affolé, tout les yeux tout rouges, tout éclaté et un peu paniqué. Et quand il m'a montré sa jambe et tout, et qu'il m'a relaté les faits, j'ai dit il faut tout de suite partir à l'hôpital pour faire constater des blessures. Donc on est parti à Saint-Pierre, aux urgences. Et il m'avait montré, Benjamin, tous les autres dégâts sur son corps, dont le ventre tout rougi. De coups, évidemment, des coups qu'il a reçus de la police. Des coups qu'il avait reçus de la police, des marques au niveau du cou, les yeux explosés, parce qu'en plus il porte des lentilles, alors les gaz, ça lui avait fait rougir les yeux. Et puis surtout, l'état choqué dans lequel il était, parce qu'un soir de fête, on ne s'attend pas. Un soir de fête, alors qu'il y a une bonne ambiance de la population dans le quartier, on ne s'attend pas à être attaqué par notre propre police, quoi. Ouais. Arrivé aux urgences, il y avait tellement de monde que l'infirmier a conseillé de rentrer, que Benjamin rentre chez lui et qu'il appelle SOS Médecin pour constater, ce qu'il a fait le lendemain, je crois. Voilà. Mais voilà, toi, Laure, c'était important d'entendre ta voix. Donc, toi, tu es la témoin qui a vu Benjamin après les faits. Donc, Benjamin ne raconte pas n'importe quoi. Il s'est vraiment fait casser la gueule. Tu peux le confirmer? Ah oui, je peux confirmer. Je peux confirmer qu'il y avait deux témoins qui étaient avec lui dans la rue. Yacine et Julien, tu parles? Voilà, c'est ça. Ouais. Qui étaient aussi à la fête avec nous et qui n'ont rien pu faire parce que. D'une part, ils sont assez timides et qu'ils ont été impressionnés. C'est normal, tout à fait normal. Moi aussi, j'aurais eu la trouille. Hein. Ben, moi, je peux dire qu'en général, j'ai peur de la police. C'est ça, quoi. Quand on voit la police, tu dis ? Je dis que personnellement, j'ai peur de la police. C'est ça. Même accompagné de mon fils, même quand il était plus jeune, je me suis déjà fait agresser verbalement. Bouge de la salope, tu peux pas dégager la vieille. Sympathique, quoi. Ah oui, c'est très sympathique, je trouve. Moi, je s'il m'arrive un problème, je me débrouille toute seule, je ne les appelle pas. Hein. Ouais. Bah merci Laure, parce qu'on va aussi entendre le témoignage peut-être de Julien, puis on va continuer ici. Mais merci beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi de t'occuper de témoigner aussi par l'intermédiaire de la radio. Et merci pour tes belles émissions. Merci à toi Laure. Ciao, ciao. Ciao. Voilà. Et donc voilà, ça c'est... Oui. Et par rapport à ce qu'a dit Laure, à ce qu'elle vient de dire, c'est vrai que normalement, la police est censée nous protéger, donc c'est surprenant, c'est vraiment très surprenant, pour pas dire plus, de se faire agresser par des gens, par des forces de l'ordre, quoi, qui représentent l'ordre. Voilà. C'est ça qui fait peur, en fait, c'est que tu te dis, bon, attends, ces gens sont censés nous protéger, ils nous protègent pas, donc en plus, ils ont du pouvoir. C'est horrible, hein, ça fait peur, quoi. Tu te dis, ils ont tous les droits, ils sont tout permis. Ah non, ça fait peur et c'est inquiétant. Ouais. D'ailleurs, moi, j'ai, J'ai demandé des sanctions très sévères à leur égard, parce que voilà, c'est leur... Quel genre de sanctions, Benjamin? La guillotine? Pas jusque-là, mais voilà, il y a des... J'ai quand même demandé... J'ai à voir avec mon avocate, je ne sais pas encore, mais voilà, je demande une sévérité assez importante à leur égard et à leur comportement. voilà. On veut aussi que ça serve d'exemple. Hein, je veux dire, les policiers, ils attaquent gratuitement comme ça les citoyens, je veux dire, c'est inacceptable. Donc on veut aussi que cette affaire fasse peut-être bouger les mentalités au sein des policiers et voilà, qu'ils fassent leur boulot, mais qu'ils commencent pas... c'est pas parce qu'ils ont une matraque, un flingue, du spray, qu'ils peuvent se permettre de faire ce qu'ils veulent, quoi. Parce que voilà, ils se sont vraiment sentis supérieurs à nous, parce qu'ils sont armés, ils sont plusieurs, et voilà, apparemment, ils étaient déjà très énervés, donc peut-être qu'il s'est passé quelque chose dans leur vie personnelle, j'en sais rien. Quelque part, c'est pas votre problème à vous. Hein. Enfin, je veux dire, en tant que policier, tu dois te maîtriser. Enfin. Comme Benjamin a dit au début, ils avaient l'air déjà très, déjà très énervés au début, quoi. Ils n'étaient pas sympas. Et puis imaginez, enfin vous avez heureusement, t'étais pas tout seul, mais imagine, tu serais tout seul et puis il dirait mais c'est n'importe quoi, ce que tu, enfin c'est horrible. Hein. Ah ouais, c'est horrible. Heureusement qu'il y a eu des témoins. Là, franchement, et heureusement. Donc les témoins mes amis, mais un témoin extérieur, et ça c'est plus précieux encore. Donc ouais, si j'avais été seul, je sais pas ce que j'aurais fait, quoi. Ma parole aurait eu moins de poids. Elle aurait eu moins de poids parce que j'aurais pas eu de témoignage écrit, j'aurais pas de vidéo du coup, encore moins que maintenant avec le gars qui s'est tiré dans la nature. Avec le gars qui s'est tiré, oui, le gars qui t'a filmé, que vous connaissez pas et qu'on n'a pas de nouvelles, et si ça tombe, vous n'en aurez jamais, hein, des nouvelles. On espère en avoir, mais pour l'instant, c'est toujours un inconnu qui est dans la nature avec les images, avec une partie de la scène. Mais ouais, donc... Mais donc, après toute cette histoire de fou, toi, tu décides d'avoir un avocat, tu vas au comité P. Au comité P, qu'est-ce qu'ils te disent ? Donc, faut savoir que le 1er janvier, c'était un dimanche. Donc, tout est fermé. Le comité P ouvre que du lundi au vendredi, voilà. J'ai dû leur envoyer un mail. Ils m'ont acté que la plainte était déposée au comité P et que c'était bon. Oui. Je veux juste dire ça. Et quand on parle de plainte, ça veut dire qu'une plainte, tu dois par écrit remettre toute ton histoire, quoi. C'est ça. Mais j'avais déjà ma première réaction, c'était de publier un texte sur Facebook, parce que je suis journaliste aussi dans un média. Donc je connais un peu les ficelles. Je sais que l'opinion publique a du poids. Et d'ailleurs, elle a eu du poids. Ça les a fait un peu, je dirais, paniquer, parce que du coup, ils ont rendu un rapport. De police suite à mon compte rendu sur internet. Donc voilà, et puis un deuxième, donc ils en ont rendu deux, qui modifient certains éléments. Voilà, donc ils cherchaient un peu leur version, évidemment en me chargeant à mort, comme quoi j'aurais pris, comme quoi j'étais en état d'ébriété, j'avais fumé des stupéfiants. Et que j'aurais frappé un des policiers. Donc, ce qui est totalement faux. Ce qui est totalement faux, parce que. Ils étaient armés, ils avaient les matraques. Moi, j'étais seul, à part avec Yessine et Julien à l'écart, mais j'ai pas frappé deux policiers en armes, quoi. Ça n'a aucun sens. Je suis pas suicidaire non plus. Surtout que je connaissais aussi, donc, comme je l'avais dit avant, certains faits proches du mien. Donc voilà, donc je suis pas fou. Donc ils m'ont dit que je les avais frappés, que j'avais frappé un des deux. Donc j'en étais où Je sais plus où j'en étais. On parlait du comité P, donc t'as pris un avocat, t'es allé au comité P, t'as fait ta déposition. J'ai fait le comité P tout de suite après le 1er janvier. J'ai fait un constat médical le 1er janvier tout de suite aussi en me réveillant. J'en ai refait un deuxième 10 jours après, parce que je suis parti en vacances une semaine, puis 10 jours après j'en ai refait un deuxième. Les traces au genou n'avaient pas disparu. Mes douleurs sont assez profondes. Mes douleurs au thorax et aux côtes sont toujours là. J'ai porté plainte au comité interne, comme je l'ai... Ça, c'est hier. Hein. C'est hier. Donc, c'est très récent. J'étais très bien reçu, d'ailleurs. Le commissaire en question s'est excusé d'avoir de tels collègues et de tels comportements dans la police. Donc, il s'est dédouané... De leurs faits et gestes. Donc ça, j'ai reçu un soutien, on va dire, je l'avoue, j'ai reçu un soutien de ce comité interne lié à la commune de Bruxelles. Mais dis-moi, mais déjà ça, comment est-ce qu'on sait de quel policier il s'agit, en fait? Parce qu'on parle comme ça dans le vague, mais tu les connaissais pas, t'as pas eu leur matricule, donc comment... J'ai pas eu leur matricule, mais le comité interne, suite à nos descriptions physiques et aux témoignages, les ont retrouvés. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Comment est-ce qu'ils ont fait, je ne sais pas. Mais... ils avaient pris les devants avant ma plainte, ils avaient déjà commencé à enquêter. Parce qu'ils ont vu mes articles dans la presse. Mmh. Voilà, donc ils ont déjà commencé le travail. Puis j'ai eu mon avocate aussi, qui s'appelle Catherine Forget. Catherine Forget, qui collabore avec OBSPOL, l'Observatoire des violences policières, qui m'a été conseillée. Et elle m'a dit qu'il fallait également porter plainte, ça je ne l'ai pas encore fait, dans une zone de police, qui peut être autre, ça peut être une autre commune par exemple. Pourquoi il faut faire ça aussi ? Il faut faire ça aussi parce qu'apparemment, judiciairement, la plainte au comité P, enfin, je suis pas très, j'ai pas fait droit, mais apparemment, ça n'est pas recevable judiciairement ou quelque chose comme ça. Donc, il faut une plainte de police classique, en plus du comité P et du comité interne. Mais moi, c'est le premier réflexe que j'ai eu le lendemain matin, avant d'appeler le comité P que je connaissais et le comité interne, j'ai appelé une zone de police Watermael-Boitsfort. Mais la police de Watermael-Boitsfort m'a dit que c'était pas possible. Ça, c'est assez surprenant aussi. Ah non, vous devez aller au comité interne et au comité P. Je dis, ah bon, et c'est ça que j'ai fait. Mais Catherine Forget m'a dit que oh, si, c'est tout à fait possible. Ils n'ont pas le droit de refuser une plainte. Mmh. Et donc, je vais retourner dès que possible. Ah ouais, fais-le. Hein. Ouais, je vais le faire. Je vais déposer une plainte classique d'une zone de police à l'autre. Mmh. Voilà. Et tu te dis pas que tout ça, ça va tomber dans l'eau, comme on a l'habitude d'entendre que les gens, qu'est-ce qui va se passer en fait ? Ça va être dans l'oubli. J'espère que non. Bah, c'est ce qui m'a été dit. Parce que j'ai reçu beaucoup de témoignages sur Facebook, par téléphone, de gens, plus d'une dizaine de personnes, hein, qui m'ont contacté. Ils m'ont dit, oui, moi c'est tombé à l'eau. Une dame m'a dit que elle a été portée plainte pour violence conjugale, son mari l'avait frappée, que la police l'a hyper mal reçue. Elle s'est fait frapper par la police en retour, là, t'imagines ? Frapper, je sais pas, mais non, en tout cas. Je rigole. Hein. Ouais, c'est déjà arrivé, ça aussi, des gens qui ont des polices, mais là non. En tout cas, pas que je me souvienne, mais elle s'est fait insulter. Insulter et rejeter, quoi, carrément. Voilà. Donc, non, on prend pas votre plainte, vous l'avez cherchée, en gros, c'est ça que ça a été dit, donc voilà, c'est la zone de police de Bruxelles aussi. Donc, je lui dis à cette personne. Contacter la presse comme moi j'ai fait, je lui ai donné quelques noms dont j'avais eu écho, médiatiser la... Attends, là j'ai pas compris ce que t'as dit, Lily. Je lui ai donné quelques noms. De qui tu parles là ? À la personne donc, qui s'est fait violenter, hein, la femme violentée de violence conjugale. Ah oui, la femme qui t'a répondu, Oui, cette femme qui m'a répondu sur Facebook et qui m'a raconté son histoire de violence conjugale, je lui ai dit clairement, allez voir... des médias, aller voir l'Observatoire des violences policières, même si vous n'avez pas été frappé, dites-leur tout ce que vous avez à dire. Voilà, surtout, diffusez l'affaire, quoi. Elle semble avoir peur, cette dame, donc elle m'a dit « Non, je ne veux pas le faire, je préfère rester dans l'anonymat. » C'est son choix, mais voilà. Donc et ça, c'est un témoignage parmi d'autres. Mais moi, je trouve ça super, Benjamin, que tu ne te laisses absolument pas faire, c'est-à-dire que tu connais tes droits, tu sais que la police, elle a déconné là, que ça va pas. Je veux dire, il faut qu'il y ait des témoignages, il faut qu'il y ait des gens qui osent dire, ben non, ça va pas, et que... Ben non, ben, je ne sais pas la suite de ton histoire, toi. Ben la suite, elle s'écrit. Donc, là, je vais voir mon avocate, et on va vraiment voir. J'ai eu des soutiens directement de diverses organisations qui me disent qu'ils veulent faire potentiellement un rassemblement dont la police déjà est au courant, mais on ne connaît pas la date. Mais il y aura un rassemblement de soutien, en tout cas, c'est prévu. Voilà, donc je pense que l'opinion publique en fait permet de changer les choses. Et je préfère, c'est moi qui ai pris les devants, vu que j'ai un peu une expérience de journaliste, j'ai contourné, j'ai dit voilà, c'est un peu une stratégie de rupture, quoi. On passe sur le côté et pas seulement utiliser la carte judiciaire. Aussi, la carte médiatique est très importante et la carte politique également. Voilà, donc il y a plusieurs cartes. Qu'est-ce que tu veux dire quand tu parles de la carte politique ? Les autres cartes, je connais, mais la carte politique, qu'est-ce que tu veux dire ? Bon, y a des organisations politiques qui ont les convictions qu'elles ont, mais qui soutiennent en tout cas ce genre d'affaires et qui sont connues. Hein, voilà, et ces organisations politiques sont pour la médiatisation, sont pour le combat contre les violences policières et sont très actives à ce niveau-là. Et tiens, et tes parents, ta famille, tes amis, qu'est-ce qu'ils ont dit de cette histoire ? Tu l'as mérité, Benjamin. Je rigole. C'est une blague, hein, évidemment, il vaut mieux en rigoler aussi. Hein. Mais là, on va les faire péter des pétards à 3h du matin. Ouais, c'est inadmissible. Franchement, les pétards. Ouais, non, franchement. Ils avaient les nerfs. Non, je déconne. Ils n'avaient pas les nerfs. Au contraire, ils m'ont soutenu directement. Ils ont. Eux aussi, ils avaient eu des échos d'affaires précédentes. Ils se sont dit, voilà, ils ont pris les devants. C'est ma mère, par exemple, qui a réussi à contacter. Parce que moi, je n'étais pas encore en état. C'était le 1er janvier. Le témoin Ismaël, dont j'avais le numéro. C'est elle qui a contacté. C'est elle qui a pris son témoignage par écrit. Voilà. T'as été soutenu quoi par ta famille? J'étais soutenu et ça fait du bien aussi d'être soutenu. Ouais, ouais. Et j'ai soutenu plus largement que ma famille et ça c'est très bien aussi. Via les réseaux sociaux, on m'a appelé, j'ai reçu des mails. La presse, j'ai été étonné de la presse parce que moi j'ai contacté quelques médias mais pas tous. Mais les médias qui m'ont répondu en retour étaient beaucoup plus nombreux que ceux qui... J'ai eu la VRT aussi, donc la VRT. Et la VRT, par exemple, a contacté la zone de police. Et c'est peut-être ça, je crois que ça a joué, qui a fait qu'ils ont fait un rapport. La VRT, RTL Info, les médias nationaux, quoi. Et quand peut-être qu'ils ont entendu ça, ils se sont dit, tiens, on va faire un rapport. Et puis après, ils ont remodifié. Donc on voit qu'ils ont un peu pataugé dans leur version, voilà, en me chargeant, comme d'habitude, et en se dédouanant, voilà. Eh bien oui, ben, c'est encore une sale histoire policière, mais peut-être ce qui serait intéressant, c'est de voir la suite de ça. Moi, ce qui m'intéresserait, on se tiendra au courant. J'aimerais bien connaître la suite, même si c'est pour dire, ben... Ouais. J'ai toujours pas de nouvelles, et dans un an, toujours pas de nouvelles, et peut-être dans deux ans, t'en auras, quoi. Enfin, ça va prendre le temps, j'imagine. Ça va prendre du temps, on m'a dit ça tout de suite. L'avocate, je viens d'avoir au téléphone juste avant l'émission, on m'a dit « faut être patient, ça arrive pas tout de suite, voilà. » Mais je pense qu'on est quand même sur la pente positive. Mignon, vous êtes mignon, parce que c'est chouette de penser comme ça. J'espère. Enfin, c'est mieux de penser comme ça que de se renfermer. Je préfère moi élargir le spectre, faire connaître. Parce que je prépare un deuxième communiqué de presse. Hein. Je vois mon avocate et j'ai déjà les points et j'enverrai un deuxième communiqué aux médias, avec l'avancement de l'affaire, voilà, une petite surprise au rendez-vous, quoi. Génial. Yacine, ouais. Est-ce que tu vois quelque chose à dire, toi, témoin, t'as pas été touché dans ta chair et dans ta peau, mais t'as vu... Est-ce que c'est la première fois, tiens, que toi, tu voyais des violences policières en live? Je crois que tu l'as déjà dit, non? Ouais, c'était la première fois que tu le voyais. Ouais, exactement, c'est la première fois que je voyais ce genre d'intervention. Enfin, on en voit partout, enfin, à la télé, mais le vivre, c'est encore autre chose. Et c'est vrai que, enfin, sur le coup, on sait pas trop comment réagir, quoi. On est un peu abasourdi, on est choqué, abasourdi, on ne sait pas trop ce qui se passe. Enfin, Vous imaginez un jeune qui pète un câble. J'imagine que toi, tu as un témoin, mais imagine un autre témoin qui aurait pété un câble. C'est-à-dire que tu vois un jeune qui se dit, mais là, il y a quelque chose de grave qui se passe, qui perd son sang-froid et qui se met aussi à prendre la matraque. Enfin, tu vois, ça peut tourner aussi en sale histoire à la base, ouais. Alors qu'au départ, il n'y avait rien de grave. Vous voyez ce que je veux dire? Un jeune qui pète un câble, ouais. Parce qu'il voit les flics péter un câble. Tu vois ce que je veux dire? Même celles-là sont pétées un câble, je crois qu'on n'avait aucune chance. Ils étaient quand même en supériorité numérique. Et en plus, armés, nous, on n'avait rien, mis à part des pétards et un briquet. Et donc je veux dire, c'est qu'on ait pété un câble ou pas, je pense qu'ils nous ont quand même tabassés, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que j'ai préféré ne rien faire, rester immobile et attendre que ça se passe, quoi. Oui, mais quand je veux dire péter un câble, un jeune qui pète un câble, tu sais, après les médias auraient relaté, oui, mais sûrement il l'a cherché, tu comprends? Là, bon, en l'occurrence, on a eu affaire à toi, Yacine, qui est resté un peu en retrait, enfin voilà. Ouais. Mais imagine un jeune qui dort, ben voilà, qui se serait dit, mais attends, moi je vais aller sauver Benjamin, c'est grave ce qui se passe, et qui part dans la mêlée pour prendre le flingue même d'un flic. Enfin ouais. Là, je pars dans des. Je pense que ça sera encore plus dégénéré. Hein. Oui, je veux dire, voilà. C'est quand même votre parole de jeune contre la parole des adultes. Et, enfin, tu vois, c'est complexe, quoi, tout ça. Ça aurait pu arriver, mais... Ça peut arriver, même. Hein. Ouais. Mais d'ailleurs, je pense, est-ce qu'on n'appellerait pas Julien pour lui donner son témoignage, parce qu'on n'a plus le temps, je ne sais pas. Si, on a le temps, mais justement, oui. D'accord, super. Bah ouais, ça aurait pu arriver. Ça aurait pu clairement... parce qu'il y a des gens qui sont enragés parfois à juste titre voilà. Envers la police et quand ils sont scandalisés, ils veulent faire quelque chose. Là, il n'y a plus beaucoup de gens, hein, on va dire dans la rue, à ce troisième, tout le monde faisait la fête de son côté, il y avait juste un commerce ouvert. Allô ? Dont on n'a pas eu d'ailleurs la caméra encore, mais je dois y retourner, mais voilà, plus beaucoup de gens, mais ça aurait pu arriver, ouais, tout à fait. Donc c'est Julien là, ça va être possible ? Ouais, ça va être possible. On va voir si le son est bon ? Ouais, Le son est où ? Le son est dans les haut-parleurs. Il est où le haut-parleur ? Ah voilà, il est là. Salut Julien ! Salut ! Donc voilà, on venait prendre un petit peu ton témoignage, entendre ce que tu avais à dire. Donc toi, t'es comme Yacine, t'étais témoin sans avoir été touché physiquement dans ta chair par la violence policière. Mais tu peux raconter un peu ? Exactement. Ben en fait, on était parti à une soirée privée, on est parti rejoindre Benjamin. Et sur les coups de 3h20, on est sorti dehors pour éclater des pétards qu'il avait achetés un peu plus tôt dans la journée. À cet endroit-là, c'était assez sécurisé, enfin pour nous c'était assez sécurisé en tout cas. Il n'y avait pas trop de monde, il y avait des gens un peu plus loin qui faisaient également des pétards. Puis il y a une voiture de policiers qui est passée par là. Ils étaient 4 dans la voiture, 2 femmes, 2 hommes. Et les 2 hommes sont sortis, sont venus à notre rencontre pour nous demander d'arrêter, chose qu'on a fait sur le moment. Ouais, d'arrêter de faire péter des pétards, quoi. Exactement, oui. Et moi, en tout cas, enfin, Yacine et Benjamin, ils éclataient les pétards. Moi, j'étais juste sur le côté, je tenais les sacs, en fait, parce que ça ne m'intéressait pas d'éclater les pétards. Et ils sont venus, en tout cas, à notre rencontre pour nous demander d'arrêter, chose qu'on a fait. On m'a demandé d'ouvrir ma veste, c'est ce que j'ai fait. Ils m'ont demandé de donner le sac avec les pétards, ce que j'ai fait aussi. Puis Benjamin, qui était un petit peu plus loin pour faire éclater un pétard, est revenu pour demander ce qui se passait. Et donc, un des policiers, le plus âgé, nous a dit que c'était tout simplement interdit, chose que nous, on ne savait pas. On n'avait pas connaissance de cela. Et donc, Benjamin a voulu en savoir un petit peu plus sur cette loi qui interdisait les pétards. Et dans un premier temps, le policier nous a dit que c'était un arrêté du bourgmestre, c'était comme ça. Et donc Benjamin a voulu savoir depuis quand c'était mis en vigueur, enfin des choses comme ça, et bon là directement le policier lui a dit « Toi tu vas pas commencer à nous casser les couilles ». Il a dit ça comme ça ? Ou c'est toi qui interprète ? Ah non, il l'a dit « cash ». Déjà ça m'a un peu choqué sur le coup. Et donc Benjamin a dit qu'il, tout simplement il posait une question, et à partir de là les choses se sont envenimées, c'est-à-dire qu'il a attrapé Benjamin par le cou, mais en le serrant assez fort, en lui disant que eux faisaient leur job et que voilà, il fallait qu'il arrête de faire ce petit malin, de poser des questions et qu'il arrête, quoi. Et quand il l'a lâché à la gorge, à ce moment-là, le second policier qui était en recul et qui parlait pas beaucoup, lui a mis un kick au niveau de l'abdomen. Donc c'est un coup au genou, un coup dans l'abdomen, quoi. Exactement, oui. Donc là, on était assez surpris. Et par la suite, Benjamin leur a dit qu'ils n'avaient pas le droit d'agir de la sorte, etc. Il a demandé à avoir leur nom, leur matricule. Enfin, voilà, il a fait ce qui lui semblait bon et juste. Pardon. Et là, en fait, tous les deux se sont un peu énervés sur lui. Enfin, se sont énervés sur lui. Ils ont sorti la matraque, des coups dans les genoux, etc. Et donc, au bout d'un moment, ils ont pu arrêter. Et c'est à ce moment-là que Benjamin a parlé de porter plainte pour l'UTP. Julien, tu serais parlé un peu plus fort ? On m'entend bien ? Ouais. D'accord. Je pense que ça bug et l'haut-parleur ne va pas s'activer. Ouais, ou alors. Oui, mais de toute façon, on arrive à la fin, vas-y. Parce que le volume n'est pas assez fort. Benjamin a parlé de porter plainte au comité P. C'est là qu'ils ont fait demi-tour vers lui. Ils ont commencé à courir après lui. Ils ont réussi à l'attraper par la capuche. Donc il est tombé au sol. Et bon, là, ils se sont acharnés, quoi, sur lui. Et Yacine a justement voulu filmer la scène. Mais à ce moment-là, il y a les 2 policiers qui sont arrivés et qui ont commencé à courir vers lui pour lui demander d'arrêter. Parce que, soi-disant, c'était interdit de filmer la scène. Et voilà. Mais Julien, tu m'entends bien ? Oui. Alors dis-moi, enfin, j'ai posé la même question à Yacine, hein, mais ça fait quoi comme ça de voir son copain se faire casser la gueule par les flics ? Alors, ben voilà, ça fait quoi ? Comment tu te sens ? Comment tu t'es senti ? Mais ça fait très bizarre parce qu'en fait, au-delà du fait de voir un ami se faire tabasser, on découvre un autre visage de la police, déjà. C'est la première fois que tu voyais ça ? De mes yeux, oui. Pourquoi ? De tes pieds habituellement ou de tes mains ? Quand tu dis de mes yeux, ça veut dire quoi ? On a déjà déjà entendu parler des bavures policières, notamment aux États-Unis quand les policiers blancs tirent sur des personnes de couleur, par exemple. Ouais. Donc on sait que ce genre de choses existent. Mais en Belgique, de mes yeux, c'était la première fois que je voyais ça. En fait, déjà, j'étais choqué quand il a simplement posé une question et que le policier lui a dit « tu vas pas nous casser les couilles ». Déjà, pour moi, c'était tendu parce que c'était pas une réponse qu'on attendait, et c'était pas à dire non plus. Quoi. Évidemment, évidemment, bah évidemment. Et après, forcément, cet acharnement. Donc, au-delà du fait de le voir s'abattre, honnêtement, j'étais pas bien pour lui. Mais sur le coup, tu sais pas jusqu'où ça peut aller. Tu te sens pas non plus en sécurité parce qu'ils sont censés représenter justement la sécurité, etc. Et là, tu vois clairement un autre visage de la police. Et t'as pas eu envie d'aller le sauver? Ben, en fait, moi, honnêtement, j'étais choqué, je savais pas quoi faire. Ben oui, je dis ça pour te charrier, parce qu'évidemment, on a peur de dire le mot, mais ça fout la trouille, quand même. Ben ouais, sur le moment, je savais pas, parce que c'était clairement excessif, la manière dont ils ont agi. Et tu sais pas à quel moment ils vont se retourner sur toi, en fait. Oui, c'est ça, t'as peur, quoi. J'essaie de les suivre pour voir un peu... Ça a pas moyen, à un moment, de dire stop, mais non. C'était de l'acharnement, quoi. Ouais. Donc voilà. Ok. Rien d'autre à ajouter sur toute cette histoire? Non. Enfin, après, je suis un peu déçu des réactions des gens, notamment à l'histoire. Parce que Benjamin, on a parlé ouvertement sur les réseaux sociaux et autres. Ça a été repris dans certains médias journalistiques. Ouais. Je suis un peu déçu de la réaction des gens qui font tourner cette histoire-là comme le pauvre petit gamin qui s'est fait tabasser parce que on lui a enlevé son petit jouet, alors qu'en fait c'est pas ça du tout l'histoire. Et par exemple de faire tourner l'histoire en disant que finalement on n'a pas des coups sans raison. Alors oui. Que si on a des coups sans raison. Ouais, voilà. C'est super important de dire ça, ouais, évidemment. Oui, on va toujours tourner les choses pour dire c'est des petits gens, les pétards. Oui, je vois bien ce que tu veux dire. Si, voilà, c'est un assassin de base, donc obligatoirement il était alcoolisé, il a eu un refus d'obtempérer, c'est pour ça que les policiers ont frappé sur lui, alors qu'en fait non, pas du tout. Et ça, c'est assez chiant à lire en fait. Ouais. Quand tu sais que c'est pas vrai et que les gens interprètent, et voilà. Ben voilà. Merci beaucoup à toi, Julien. Ben, y a pas de souci. Merci. En tout cas, merci à vous deux. Merci à vous. Et on verra aussi la suite de tout ce bazar, quoi. Je vous tiendrai au courant d'office aux nouvelles. Voilà. Ça va, merci. Et courage, hein.